إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans notre cours numéro 8 au sujet de Haqiqatu at-Tasawwuf, la réalité du soufisme. Et on va continuer aujourd'hui le point qu'on avait commencé à expliquer au sujet des azkar chez les soufis et des awrad, c'est-à-dire les wird et les azkar chez les soufis, comment les soufis font le zikr et comment leur façon dont ils, comment la façon dont ils le font est contraire au Coran et à la Sunna, hein. C'est-à-dire que eux, ils basent leur zikr, comme on l'avait dit la dernière fois, sur la façon dont les shuyukh l'établissent pour eux. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en premier, comment, pour commencer? La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a mentionné des exemples de contradictions de chez les soufis, dans la question du zikr. On a montré que, yani, on a mentionné les différentes contradictions dans leur façon de faire le zikr, des choses qui contredisent la sunna. Aujourd'hui, on va commencer par expliquer certains principes ou certaines règles de base, hein, tirées du Coran et de la sunna pour savoir comment faire le zikr et quand est-ce que, yani, comment faire le zikr et pour que ce soit en accord avec la sunna, c'est quoi les principes qu'il faut respecter. D'accord? Donc on va commencer avec ça, puis après on va continuer en donnant des exemples de déviation des soufis. Hein. La dernière fois on a donné quelques exemples de ça, mais aujourd'hui on va donner des exemples encore plus spécifiques et plus précis, yani, pour montrer des exemples de déviation à ce sujet-là. Le cheikh dit « وَمِنْ هَذِهِ التَّوْطِئَ يَتَخَلَّصُ أَنَّ الْأَذْكَارِ والصلوات التي تكون شرعية تنتج التقوى والصلة بالمولى والثواب في الآخرة لا بد أن يتوخى فيها أمور تضاف إلى حسن النية وحضور القلب وهي الشيخ الذكي. Il a fait le cheikh Ahmed Loh dans son livre تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي, il a fait une petite introduction pour montrer des exemples de zikr dans la sunna. Hein, des zikrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire à différents moments de la journée, puis il a donné des exemples même du livre de l'imam al-Nawawi qui s'appelle Al-Adhkar, il a mentionné ça et on en a parlé la dernière fois aussi. Aujourd'hui donc il dit que, comme on a fait cette introduction là, on peut comprendre que si on fait le zikr comme il faut, selon la sunna, eh bien ça va avoir comme résultat qu'on va acquérir de la taqwa, hein, taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça va renforcer notre connexion, ou bien disons notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ça va nous donner une récompense dans l'akhirah. Hein. Toutefois, il faut mettre avec cette pratique du dhikr, et il faut rajouter à ça, en plus de l'intention et en plus de la sincérité et de la présence de cœur, il faut rajouter certains principes pour que notre zikr soit accepté et qu'il soit en accord avec la sunna. Premièrement, le cheikh il dit أن تكون بما ورد عن الشارع لأنها من العبادات التوقيفية التي لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد. Donc premièrement, il faut que le dhikr qu'on fait soit rapporté par la sharia, parce que ça fait partie des adorations, et donc il faut que ce soit limité par les règles de la sharia. Donc quelqu'un ne doit pas inventer par lui-même des formes de dhikr, mais c'est toujours mieux de rapporter les formes de dhikr qui sont mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a pas de place dans ces questions de dhikr pour le qiyas et pour le ijtihad, de faire des efforts de jugement personnel ou bien de faire des analogies dans ces questions-là. Deuxième, أن يراعي فيها العدد في حالة وروده من الشارع وعدم اعتبار عدد معين إذا لم يرد. Ça c'est un deuxième principe et c'est important parce que on a vu la dernière fois les exemples d'égarements à ce sujet-là chez les soufis, comment ils inventent des nombres et des quantités de fois qu'il faut réciter un dhikr en particulier sans aucune référence. Alors le cheikh il dit donc que si tu fais le dhikr, il faut respecter cette, comme deuxième règle que tu regardes le nombre qui est mentionné, si c'est mentionné dans la sharia. Par exemple, s'il y a dans un dhikr en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme par exemple après la prière ou bien avant de dormir, il a dit dites 33 fois alhamdulillah, subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et vous complétez par la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc il a mentionné donc un nombre spécifique pour ces formes de dhikr là. Ou bien dans d'autres dhikr il y a d'autres exemples de nombres, mais quand, donc il y a une preuve. Donc dans ce cas-là, on respecte ces nombres-là, on ne va pas inventer un autre nombre. Il a dit 33, donc c'est 33. On ne va pas faire 40 ou d'autres, on va faire le nombre qu'il nous a demandé. Toutefois, s'il n'y a pas un nombre qui est mentionné, alors là, on n'en invente pas un pour dire on doit faire tel nombre. C'est ça, on ne fixe pas un nombre particulier, on le laisse ouvert. C'est-à-dire, s'il n'a pas mentionné un nombre, tu peux le faire le nombre de fois que tu veux, mais sans que ce soit un nombre déterminé que tu fixes pour toi-même ou bien pour les autres. Tandis que les soufis, à eux, ils se déterminent un nombre et les chouyours soufis ou les chefs des tourks soufis, ben ils vont dire à quelqu'un, toi, récite après telle prière ou telle chose, fais 20 fois telle chose comme ça. Hein? Et ça, c'est contradictoire avec... en contradiction avec la charia. Ok. Et puis, juste, j'ai trouvé qu'un exemple, ici encore, à ce sujet-là. Ça m'a fait un peu surpris, là. Ils ont, ici, c'est incroyable, dans le livre Dimension de l'Islam de Amadou Tal, en tout cas, subhanallah, pour le ramadan, ils ont ramené une histoire ici, là, ça fait incroyable, j'ai jamais entendu ça, c'est la première fois. Pour chaque nuit pendant le ramadan, ils ont prescrit des nombres de rak'at et des nombres de choses à réciter, spécifiques, pour chaque nuit du ramadan. Juste, bien, ça commence à 1 puis ça termine à 30. C'est incroyable, Yanni, de voir qu'ils ont légiféré des choses comme ça, sans aucune référence au Coran et à la Sunna, Yanni. Subhanallah. C'est-à-dire, ils ont leur propre religion, Yanni. Quand on lit des choses comme ça, moi je me dis, est-ce qu'ils ont un autre Coran ou une autre Sunna? Hein, ici, il dit la nuit 1, la première nuit, faire 10 rakats, dans chacune réciter à voix haute la Fatiha une fois, قل يا أيها الكافرون deux fois et la sourate al-Ikhlas deux fois. Hein? Résultat, préservation de l'enfer, exaucement des vœux. Hein? Ouais. Et là il dit, la troisième nuit, hein, je vais sauter, je ne vais pas les dire toutes, faire 6 rakas, la troisième nuit, faire 6 rakas de 3 salams, réciter dans chaque rak, ouais, c'est-à-dire après chaque deux tu fais salam, taslim après chaque deux. Chaque raka, tu récites la Fatiha. Après, surat Qadar, une fois. et vous aurez des bienfaits de celui qui a libéré 1000 esclaves, nourri et abreuvé et habillé 1000 personnes, et Dieu vous protégera contre tous les tourments de la tombe et la crainte de la crainte de la mort. Ajaban. Subhanallah. Hein? La nuit numéro 5. Faire 4 rakats, dans chacune d'elles, réciter une fois Al-Fatiha, une fois Al-Nashrah, et 3 fois Al-Ikhlas. Ok, Dieu mettra à votre profit les récompenses et les bienfaits de celui qui a accompli 1000 pèlerinages. Et les portes de la pauvreté vous seront fermées. Il créera pour chaque verset lu un ange qui vous inscrira vos bienfaits et effacera vos méfaits, vos péchés. Yeah, subhanallah. Comment des gens peuvent inventer des mensonges aussi gras à propos d'Allah et à propos de l'islam? Il n'a pas mentionné de référence. That's it. Ça vient de son, from the top of his head. Hein? Attendez. La nuit 11. Ok. Faire 4 rakats, réciter rakat la Fatiha dans chaque rakat, Surat al-Qadr 7 fois, Surat al-Kafirun 7 fois, Surat al-Ikhlas 7 fois. Après la prière, réciter 70 fois La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Ali al-Azim, puis la salat sur le al-Nabi, hein, et 70 fois la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi Dieu lui pardonnera ses péchés antérieurs et postérieurs et inscrira à son compte, et cela pour chaque verset, la récompense ou dévotion d'une année de dévotion, et il aura les récompenses de celui qui aura libéré 1000 croyants, seul au monde de 1000 dinars, nourri 1000 affamés, vêtu 1000 personnes, tous ses péchés lui seront pardonnés, et il sera protégé contre les fléaux, la malédiction, les turpitudes et la folie, et il sera allégé les affres de la mort et entrera au paradis sans rendre compte de rien. Hein? Ça c'est, yani, subhanallah, ça veut dire, tu fais ça, ça y est, tu le fais, ça y est, c'est fini. Ça rentre en paradis, c'est garanti. Donc c'est ça. C'est des exemples, mon frère, de choses comme ça, là. Il dit ici, faire 10 rakats, lire dans chaque rakat la Fatiha une fois, Surat al-Qadr mal-Qari'ah, hein, une fois, et, Surat al-Qari'ah mal-Qari'ah une fois, Surat al-Ikhlas 5 fois, après la dite prière, réciter Astaghfirullah 70 fois, ou le nombre de votre choix. Vous aurez les récompenses de celui qui a jeûné toute une année, et on inscrira à votre compte l'agrément d'être préservé de l'enfer, des bienfaits comparables au nombre des étoiles dans le ciel, des feuilles d'arbres, et vous vous lèverez le jour du jugement, l'ange Gabriel à votre droite, l'ange Israfil à votre gauche, l'ange Michaël et l'ange Israël autour de vous et devant vous, jusqu'à ce que vous entriez au paradis par la grâce de Dieu l'élevé. Yani, Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples, comment ces gens-là ils inventent des choses dans la religion d'Allah, et ça, yani, ça, il n'y a pas de doute que ça, là, c'est un des pires crimes et des pires péchés que celui qui ment à propos d'Allah et à propos de son messager, yani, subhanallah. Ouais, c'est un livre publié. C'est publié, même c'est revu et corrigé et augmenté en 1995. Hein, et, ça c'est Dar al-Fikr à Beyrouth qui l'ont imprimé. Ouais, à Liban. Vous savez, Dar al-Fikr, ils impriment tout. Hein, y a pas de limite. Et même il y a son cheikh à la fin, là, qui a écrit une petite ce qu'il y a à la fin de son livre, hein. En tout cas, ça c'était juste l'exemple que je voulais vous montrer à ce sujet-là, des nombres, juste pour que vous voyez que, il y en a un autre aussi, là. Ici, ça aussi c'est incroyable. Ils ont inventé même des prières pour les vicres, pour des mois spécifiques ou pour des raisons spécifiques. Comme par exemple, il dit, dans la tradition islamique, le dernier mercredi du mois de Safar est considéré comme un creuset de fléau, de malédiction décrété par Dieu pour toute l'année. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Après, il dit, n'est à l'abri de celui qui est sauvegardé par Dieu et qu'il nous l'accorde. Quiconque fait la prière suivante sera à l'abri de ces fléaux toute l'année durant. Faire 4 rakats, dans chacune d'elles, hein, il faut dire Al-Fatiha une fois, 17 fois Al-Kawthar, 5 fois Al-Ikhlas, 1 fois Al-Falaq, 1 fois Al-Nas. Ensuite, lire 3 fois Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Shadid Al-Qawi, Ya Shadid Al-Mahal, Ya Aziz, Ya Karim, Zallalta Bi'izzatika, Jamil Khalqika, Ya Muhsin, Ya Mujmil, يا مجمل يا متفضل يا منعم يا الله لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. Après il dit, on peut également écrire le texte ci-dessous et se frotter le cou, la tête, le visage, la tête et en boire 3 gorgées. Ouais, c'est ça sûrement, c'est ça ce qu'il veut dire. En tout cas. Après, il y a une autre ici. Oui, c'est ça. Il dit une autre encore aussi pour d'autres occasions, d'autres trucs. Non, c'est clair. Le cheikh celui qui a écrit ça, l'auteur du livre, s'appelle Cheikh Ahmad Tal, auteur des Dimensions de l'Islam et Niche des Secrets, est né le 29 mars 1943 à Saint-Louis au Sénégal. Hein? C'est un professeur de lettres, un écrivain, un conférencier distingué à l'audience internationale sans conteste. Ok, il y a même sa photo sur le livre. Donc, il y a des gens qui lisent ce livre qui pratiquent ça. Et même une fois, j'étais à la mosquée ICQ et il y avait un Québécois qui s'est converti à l'islam. Ok, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'ai vu avec un livre semblable à ce livre-là. Presque, je pense même que c'est le même livre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai dit que ça, c'était pas bon, ce livre-là, c'était pas correct. Bon, bien entendu, il m'a répondu des réponses un peu bizarres. Il m'a dit, est-ce que tu es un moufti? J'ai dit, non, je suis pas un moufti. J'ai dit, bon, ok, si tu n'acceptes pas ma parole à moi, tu peux quand même aller demander à l'imam de la mosquée là-bas. Hein? Il m'a dit, est-ce que lui, c'est un moufti? J'ai dit, bon, ok, c'est pas un moufti, mais quand même, je te dis, fais attention, ce livre-là, c'est pas bon. Là, il a rien voulu entendre, Yanni. Mais c'est pour vous dire que, Yanni, si lui, c'est un Québécois converti, il était allé au Sénégal, il est revenu au Québec, il s'est converti à l'islam. Et, Yanni, donc, c'est juste pour vous dire que, malheureusement, il est tombé sur les mauvaises références, hein. Et donc, c'est pour dire que des livres comme ça, ça peut amener beaucoup de personnes à l'erreur. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ça, Inch'Allah. Donc on va continuer notre danse et puis si on a d'autres exemples à donner, on en donnera encore, Inch'Allah. Il dit troisièmement, « An la yakhtari' laha al-insan ajran muhaddadan min tilqa'i nafsi. Wa yatruk dhalika lishari' ma'a tayakkuni » بأن الذكر الوارد عن الشارع لا يخلو عن الثواب الجزيل عن الثواب الجزيل وإن لم يحدد. Oui, donc il faut pas inventer, il faut pas qu'une personne invente une récompense par lui-même, une récompense spécifique par lui-même ou limitée par lui-même. Il laisse ça. Donc le cheikh il dit que il faut que s'il y a une récompense, c'est pas à nous de l'inventer ou bien de la fabriquer, hein, il faut laisser ça à Allah subhanahu wa ta'ala, ou si c'est vrai que c'est mentionné dans le Coran, ou soit mentionné dans la Sunna, hein, donc dans ce cas-là, ok. Mais sinon, si Allah nous a prescrit une adoration ou un dhikr ou quelque chose sans mentionner de récompense, hein, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Alors dans ce cas-là, on la laisse telle quelle, mais on est quand même certain et convaincu que Allah a réservé pour ça une récompense quelconque. D'accord? Mais c'est pas nécessaire que yani, cette récompense-là soit délimitée ou expliquée spécifiquement avec un nombre ou une quantité de récompense, comme on voit dans les livres des soufis par exemple. Si tu dis ça, tu vas avoir tel nombre de récompenses ou telle chose. Donc, tout ça, c'est des mensonges. Ensuite, le cheikh dit أن لا يكون جهرا لأنه منهي عنه ولأن يوحي بأن من يخاطبه الذاكر بعيد عنه ولما فيه من إيذاء الآخرين أحيانا ويستثنى من ذلك ما ورد النص باستثنائه كالتلبية للحاج. Donc le cheikh il dit également parmi les règles du dhikr et du dua qu'il ne faut pas qu'il soit fait à voix haute, ça c'est pas permis. Il faut que le dhikr soit fait à voix basse. Et pourquoi? Parce que si tu le fais à voix haute, c'est comme si tu donnes l'impression que celui à qui tu parles et celui que tu appelles est loin de toi. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est proche. Il entend tout, il voit tout, il sait tout, donc on n'a pas besoin de crier quand on s'adresse à lui. Et lorsque, également, dans le fait que lorsqu'on parle à haute voix ou qu'on fait le dhikr à haute voix, également ça dérange les autres, et excepté par exemple si il y a des cas qui sont mentionnés dans la charia, comme par exemple quand on va faire le hajj, quand on fait le talbiya, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ça on le fait à voix haute. Pourquoi? Parce que c'est mentionné dans la sunna qu'il faut le faire à voix haute, mais sinon en dehors de ça on fait pas de dhikr à voix haute. Chérisé comme cinquième règle وأن لا يضاف إليها أي شيء من الكيفيات والهيئات ولا ينسب إليها شيء من الاعتقادات التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المكلف بالبيان أو المكلف بالبيان وقد بين. Donc le cheikh il dit que également il ne rajoute pas à un dhikr une façon spécifique de se placer ou bien une position spécifique ou bien des gestes en particulier à faire ou des choses comme ça. Et également, il ne rajoute pas également aucune forme de croyance spéciale ou spécifique qui n'ont pas été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est responsable de transmettre et de clarifier la religion. Yani, donc, ceux qui ont rajouté des façons, des gestes ou des mouvements et tout ça c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et puis ça, il y en a beaucoup chez les soufis. Là, tu trouves que, par exemple, il y a l'exemple des derviches. Tout le monde entend parler des derviches parce qu'ils font des spectacles partout. Ouais, des derviches tournants, pas des sortes de jupes avec des vestons et tout, et des longs chapeaux. Et là, ils se mettent tous à tourner en rond. Ah oui, bon, maintenant ils permettent la mixité et tout. Bon, ils font des danses ensemble. Puis ils pensent que ça fait partie du zik. D'accord? Et donc, il y en a qui se balancent, il y en a qui dansent, il y en a qui font des danses, des trucs comme ça, il y en a qui bougent la tête. En tout cas, ils ont tous un truc qu'ils ont rajouté pour faire soi-disant le dhikr. Et tout ça, ça fait partie des bédards, ça fait partie des innovations, ça fait partie des choses qui sont interdites dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, ولما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بين هذه الأسس المتبينة وأقام هذه القواعد العظيمة وتولى بنفسه عملا بما يوحى إليه إرساء الضوابط المتعينة في باب الأذكار والصلوات وغيرها كان المفروض أن يلتزم جميع المسلمين بها ولا يبغون بها بدلا وكان المتوقع أن كلمة لا إله إلا الله التي تقرع الأسماء في كل مكان تجعلهم بعيدين كل البعد عن الابتداع في الدين والتدخل في أمور التشريع وتملي عليهم العلم بأن المؤمن ليس له حق في اختيار عباداته بالقياس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولكن شتان ما بين كلمة يرددها اللسان أناء الليل وأطراف النهار والقلب عنها غافل وبين ما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم تجاه لا إله إلا الله ومقتضياتها عقيدة وعملا وخلقا. Donc le cheikh il dit que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il nous a clarifié les bases, il nous a clarifié les règles, les grandes règles pour comment faire l'adoration et le zikr et les prières, etc., tel que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de les faire, eh bien, c'était supposé que tous les musulmans allaient se baser sur ça et qu'ils n'allaient pas chercher quelque chose pour remplacer ça ou bien pour prendre la place de ces règles-là. Et c'est certain que la personne qui dit la ilaha illallah et qui a compris la ilaha illallah, lorsqu'elle le prononce ou qu'elle le dit avec une bonne compréhension, eh bien, ça l'éloigne de faire toutes sortes d'innovations dans la religion et d'essayer d'amener des formes de législation par lui-même dans la religion d'Allah. Et ça leur fait comprendre que le mu'min n'a pas le droit de choisir par lui-même ses adorations par analogie ou par des formes de, disons, de logique ou bien de selon ses intentions, ses passions ou ses goûts. Et il mentionne un verset dans Surat al-Ahzab, le verset 36, qui dit « Il n'appartient pas au croyant ou à la croyante, une fois qu'Allah a décidé d'une chose, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. » Donc, on doit se baser sur qu'est-ce qui a été révélé dans la charia. Et donc, le chef, il fait comprendre en même temps qu'il y a une grande différence entre la personne qui dit « La ilaha illallah », qui le répète avec sa langue, sans que ça rentre dans son cœur et sans qu'il ait compris sa signification, puis une autre personne qui le dit et qui comprend sérieusement et complètement sa signification et qu'est-ce que ça implique dans sa croyance, dans ses pratiques et dans son comportement. D'accord ? Et le cheikh dit « ومن هنا نجد أن الصوفية قد خرقوا كل الضوابط والثوابت الشرعية التي أشرنا إليها آنفا فجعلوا لأنفسهم حقا في التشريع وشرعوا من عند أنفسهم أذكارا وصلوات وأضافوا إليها هيهات ورتبوا عليها أجورا لم ترد في الشريعة الإسلامية وأمروا الناس بالتزامها بعدما فضلوها على كل الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh dit que les soufis ont contredit toutes les règles qu'on a mentionnées et tous les principes fixés par la charia qu'on a mentionnés plus tôt. Et ils se sont donnés à eux-mêmes le droit de légiférer dans la religion d'Allah. Et ils se sont légiférés pour eux-mêmes des formes de zikr et des formes de prière. Et ils ont ajouté à ça des positions et des gestes ou des choses comme de ce genre pour faire leurs adorations et leurs zikr. Et ils ont ajouté à ça des récompenses qui ne sont même pas mentionnées dans la charia et ils ont ordonné aux gens de suivre ça et ensuite ils ont même fait comprendre aux gens qu'ils doivent préférer les adhkars qu'ils ont inventés eux-mêmes à ceux qui sont présentés dans la charia et qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actions. Donc le cheikh dit « وَيْشَلُ بِذَلِكَ كُلِّهِ » واقع حياة المتصوف الدينية ودواوينهم الفكرية ومن أراد التأكد من ذلك في فما عليه إلا أن ينزل في أي بلد يقتنه القوم بحيث يباشرون تعاليمهم في العلن وأن يقف بنفسه على العجب العجاب والتشبث بنتاج العقول والإعراض عن المنقول. Donc, أما ما يتعلق بشأن الدواوين المذكور فإني مقتبس منها نصوصا تساعد القارئ الذي لم يطلع على تلك الدواوين على بناء فكرة دقيقة حول ما في هذه الكتب. الشيخ dit que, qu'est-ce qu'on remarque quand on témoigne de l'adoration et de la pratique religieuse chez les soufis de tous les jours, et dans leurs livres également? on voit que, il dit, si quelqu'un veut être certain de ce qu'on dit maintenant, parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir des doutes, hein, si quelqu'un veut être certain, ben, il a juste à descendre dans n'importe quel marché, n'importe quel pays où il y a n'importe quel pays musulman où les enseignements des soufis sont pratiqués ou faits en plein jour, hein, et ben, vous allez voir que, les choses sont étonnantes et que, ça dépasse la raison et l'entendement et ça dépasse bien entendu la révélation. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les exemples de livres et des soufis, il dit, exactement, ça c'est un détournement de la révélation, ça transgresse la révélation. Et il dit que si tu regardes dans leur livre, il dit, je vais mentionner quelques exemples que j'ai pris dans leur livre pour vous montrer. Donc il va mentionner quelques exemples de ça. Mais avant ça, il dit, هذا وقد ظهر لي من خلال البحث أن هؤلاء القوم حتى يتمكنوا من نشر تعليمهم بين الأتباع فقد مهدوا لذلك بشن هجوم كاسح على أفضل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'ils ont fait les soufis? Il dit, à travers ma recherche j'ai réalisé que pour que les soufis arrivent à établir et à transmettre leurs enseignements parmi leurs fidèles, eh bien ils ont commencé par attaquer le meilleur zikr qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ilaha illallah. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce zikr, il a dit ça c'est le meilleur zikr, la ilaha illallah. Ça c'est rapporté par Tirmidhi, et il a dit qu'il est Hassan, et Ibn Majah aussi, et Ibn Hibban, et Al-Hakim, et il a dit que c'est une, Al-Hakim a dit que l'isnad est sahih, et l'imam al-Dahabi, il est d'accord avec lui là-dessus, et l'imam al-Albani, Cheikh al-Albani également l'a déclaré Hassan. Donc le hadith est sahih, Hassan, il est Hassan, et donc il est valable comme preuve. Et après le Cheikh dit, لما قللوا من شأن هذه الكلمة في نفوس أتباعهم تمكنوا من بث ما أرادوا من تعليم شرعوها. Donc quand ils ont réussi à diminuer de l'importance de ce dhikr dans le cœur de leurs fidèles, et bien là ils ont été capables de répandre tout ce qu'ils voulaient d'enseignements qu'ils ont eux-mêmes inventés. Et ils commencent par donner des exemples de ça, comme on a mentionné la dernière fois. Il y a quoi le cheikh Mohammed al-Rawf, فذكر العامة كلمة الشهادة أو غيرها من التسبيحات والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء النفوس يكون أقوى في إزالة الحجب أو الحجب. Ça c'est tiré de Ar-Rimah, le livre de Al-Fouti. Donc ça veut dire qu'il mentionne les paroles de Muhammad Al-Ghawth. Il dit que le dhikr déjà ordinaire parmi les musulmans, c'est de dire le shahada, la parole du shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, ou bien autre parmi les formes de tasbih. Toutefois, le dhikr déjà particulier, privilégié, eh bien ça c'est, ça doit être donné par un cheikh murshid, un cheikh soufi, qui va être ton guide et qui est connaisseur, qui connaît les secrets soi-disant des soufis, là, et qui va, qui connaît les problèmes des âmes, comment les guérir et tout. Et ça, ça va être plus fort pour enlever le al-hajab ou al-hajab. Al-hajab, c'est quoi ça? Ouais, pour enlever les voiles. Ça va être plus fort pour enlever les voiles. Après, il dit, wa qala ibn Arabi, دخلت على شيخنا أبو العباس العريني okay. ومن أهل العليا وكان مستهترا بذكر الاسم المفرد لا يزيد عليها شيئا قلت له يا سيدي لما لا تقول لا إله إلا الله فقال لي يا ولدي الأنفاس بيد الله وما هي بيدي فأخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول لا أو لا إله فأقبض في وحشة النفس في وحشة النفي. سألت شيخا آخر عن ذلك فقال لي ما رأت عيني ولا سمعت أذني من يقول أنا الله غير الله فلم أجد من من أنفي فأقول كما سمعته يقول الله الله يعني Donc il dit que Ibn Arabi, il a dit, je suis rentré sur mon cheikh Abdel Abbas al-Arani, et il fait partie des gens de Al-Ulia, peut-être qu'il veut dire qu'il est parmi les gens hauts ou élevés, il dit qu'il faisait toujours le zikr Allah seulement, il faisait juste Allah, Allah, Allah, et il n'ajoutait rien à ça. Alors il lui a demandé, oh, oh mon maître, hein, pourquoi tu dis pas la ilaha illallah? Il a dit, oh mon fils, les souffles qu'on respire, ils sont entre les mains d'Allah et non pas entre mes mains. Et j'ai peur que Allah prenne mon âme alors que je suis en train de dire la, ou bien que je suis en train de dire la ilaha, et que je meurs, hein, et donc je suis en train de prononcer une négation. C'est sans compléter illallah. Donc j'ai demandé à un autre cheikh et il a dit, mes yeux n'ont jamais vu et mes oreilles n'ont jamais entendu quelqu'un dire « Je suis Allah, excepté Allah ». Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un à nier. C'est ça qu'il dit ?« Falam ajid man anfi ». Après il dit « Fa aqul kama sami'tuhu yaqul Allah Allah ». Donc il dit « Moi je dis comme je l'ai entendu dire Allah Allah ». Yani, les paroles d'ignorance, c'est ça c'est mentionné dans Futuhat al-Makkiyah de Ibn Arabi. Après il dit, non, Ibn Arabi, c'est lui qui est considéré comme par certains comme étant Sheikh al-Akbar. C'est lui qui croit en Wahd, c'est un des soufis, parce qu'il n'y en a pas juste lui, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des soufis qui a fait la propagation de la croyance en Wahdatul Wujud. Non, ça c'est Ja'd ibn Dirham. Oui, ça c'était avant. Parce que Ibrahim, Ibn Arabi, il est venu plus tard après. Après il dit, وقال أبو المواهب الشاذلي إنما اختار أهل التعارف أو أهل التعريف اختار أهل التعريف ذكر الله الله فقط دون لا إله إلا الله. لوحشتهم من توهم ثبوت الإلهية حتى ينفونها والذي أقول به إن من غلب عليه الأهواء فذكر لا إله إلا الله أنفع له ومن خلص من الأهواء فذكر الجلال فقط أنفع له. عجيب. Il a dit que ce que les gens qui ont eu la connaissance, التعريف, parce que eux, quand ils parlent de d'Allah et quand il parle de l'islam et de la connaissance, il mentionne pas le terme ilm, la connaissance, le savoir, la science. Il mentionne souvent le terme al-ta'rif ou al-arif ou al-ma'rifa. Ouais. Ma'rifa. Il y a le sens de connaissance là-dedans, mais eux c'est pour dire que c'est pas une connaissance qui est acquise par l'étude, c'est une connaissance qui est acquise par des pratiques religieuses ou des choses comme ça, tu vois. Comme on va en parler, pas maintenant, mais une autre fois dans un autre cours plus tard, Inch'Allah. Et donc, quand tu vois qu'ils parlent des gens qui ont la connaissance, ils ne parlent pas des ulama de l'islam, ils parlent des soufis. Et donc, il dit que les gens de la connaissance ont choisi comme dhikr de dire Allah, Allah seulement, et non pas la ilaha illallah. Pourquoi? Comme la raison qu'on a dit tout à l'heure, ils veulent pas commencer par une négation avant de yani, prononcer l'affirmation de l'existence ou de la foi en Allah seul, ou bien de dire que yani, c'est Allah seul qui mérite l'adoration ou des choses comme ça. Ils disent, et ce que moi je dis, وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ, ce que moi je dis, c'est que celui qui a laissé ses passions prendre le dessus sur lui, il peut dire la ilaha illallah, et c'est mieux pour lui, plus bénéfique pour lui. Mais celui qui s'est, disons, libéré de ses passions, lui, il peut juste mentionner Allah tout seul, et ça c'est plus bénéfique pour lui. Donc selon, selon lui, yani, celui qui dit La ilaha illallah, ça fait ses, ses passions, ils ont pris le dessus sur lui. Hein? Ça, c'est incroyable. Hein? Après, le cheikh dit إن القارئ لهذه الأقوال تأخذ الحيرة لماذا يتبرم هؤلاء الناس من كلمة التوحيد الذي أرسل الله بها رسله بل خلق الجن والإنس لأجل تحقيق مقتضاها فتارة هي ذكر العوام وللخواص أذكار أذكارهم خاصة وتارة لأصحاب الأهواء وللمخلصين صيغ خاصة وأحيانا هي لأصحاب النفوس اللوامة وأصحاب النفوس الملهمة والراضية والمرضية ووسائل أخرى وأحيانا يطعنون الصيغة نفسها وكأنهم يتوهمون من جاء بها بعدم الفهم أو البعث أو العبث حيث ينفي أشياء غير موجودة أصلا ولا شك أن هذا الموقف تجاه كلمة التوحيد سببه الغرور وتلبيس الشيطان والجهل الشديد والبعد عن الكتاب والسنة لأن وجود آلهة باطلة تعبد من دون الله أمر مشهود وإنكار وجودها مكابرة ومناهضة لدعوة الرسل أجمعين أما من قسم الناس في ذكر الله أو في ذكر لا إله إلا الله إلى عوام وخواص وإلى أصحاب أهواء ومخلصين فيسألون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلمة التوحيد خاصة بالعامة ولفظ الجلالة لغيرهم هل أرشدهم إلى ذلك هل فعله كلا إن شيئا من ذلك لم يحدث ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Cheikh dit, ok, que on voit que lorsqu'on lit leurs paroles, Cheikh dit lorsqu'on lit les paroles de ces gens-là, on devient comme on est confus en réalité. Comment ils peuvent se permettre ces gens-là de parler de cette façon-là au sujet de la parole du Tawhid, de la ilaha illallah, c'est la parole que Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et Yani même qu'il a créé les djinns et les hommes dans le but que cette parole-là soit établie et yani, implémentée, yani, disons, appliquée par les djinns et par les hommes. C'est-à-dire, la ilaha illallah. Donc, eux, ils font la distinction quand ils parlent de la parole de la ilaha illallah. Ils disent que c'est le dhikr des awam et ils disent que, donc, les gens spécifiques, les gens ordinaires, ils disent la ilaha illallah, les gens, sont plus spécifiques ou bien qui sont plus particuliers, qui sont plus élevés, eux ils vont faire une autre forme de dhikr. Et les gens qui suivent leur passion ils disent la ilaha illallah, puis les gens qui sont sincères ils ne disent pas la ilaha illallah. Et donc c'est une façon comment ils utilisent comme ça pour essayer d'attaquer ou de critiquer yani, le fait de dire la ilaha illallah. Le cheikh a dit qu'il n'y a pas de doute que cette position qu'ils ont vis-à-vis de la parole de la ilaha illallah, c'est à cause de la tromperie du shaitan, comment le shaitan a joué avec eux, et à cause d'une grande ignorance et d'un éloignement du Coran et de la Sunna, parce que personne ne peut nier qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui nie que des choses soient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est en fait une forme d'orgueil ou d'arrogance, yani. Et de refus d'accepter le message ou la da'wa des prophètes, hein, que tous les messagers et les prophètes sont venus apporter. Et après il dit, en ce qui concerne la division qu'ils ont fait au sujet du dhikr la ilaha illallah entre les gens ordinaires et les gens spécifiques ou des choses comme ça, ou les gens les particuliers ou les gens élus, et les gens de la passion et les gens sincères, etc., eh bien on peut leur poser la question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la parole de Tawhid, de la ilaha illallah, était uniquement pour les gens ordinaires, ou les gens simples, et que de répéter juste Allah, ça c'était pour les autres? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés dans cette direction-là, à faire cette distinction-là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait ça, c'est-à-dire est-ce qu'il faisait le zikr en disant juste Allah, Allah, et non pas en disant la ilaha illallah, hein? Et est-ce que il y a des choses comme ça sont arrivées à son époque? Il dit non, certes, ce n'est jamais arrivé. Mais les injustes, yani, rejettent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, بعد أن وقفنا على هجومهم على الأذكار المشروعة فلننتقل إلى ما شرعوه من أذكار وصلوات ومتعلقاتهما مرفقا مرفقا بما تمس إليه الحاجة من التحليل والتعليق. Donc le cheikh il dit que maintenant on va mentionner des exemples d'azkar qu'ils ont légiféré et des formes de prière qu'ils ont inventées, hein, en donnant des commentaires quand c'est nécessaire. Donc il commence et il dit « Al-zikru bil-lafz al-mufrad » de faire le zikr avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et des fois c'est même pas un nom, ça peut être juste un pronom ou des choses comme ça comme on va voir. « Laqad tamada » صنعة الفكر الصوفي في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن يشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم ذكرا غريبا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على السنة بل ولا عرفه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ألا وهو الذكر باللفظ المفرد مظهرا كقولهم الله الله الله أو حي حي حي أن مدمرا كقول أو مدمرا كقولهم هو هو هو أو ها ها ها ففي السطور الآتية نموذج من نصوص الصوفية التي توضح هذا الأمر. Donc le cheikh il dit, on voit que yani dans la, les soufis, ils ont dépassé yani, toutes les limites dans leur pensée, yani, en suivant l'extrémisme, leur extrémisme, yani, ils ont permis à leurs chouyours de légiférer pour eux-mêmes et pour leurs fidèles des formes de rappel ou de dhikr, hein, qui sont étranges et qui n'ont jamais été connues ni dans la première génération des sahaba, ni des tabi'in, et ni de ceux qui les ont suivis sur la sunna. Et même personne, yani même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas connus. Et c'est de faire le dhikr en mentionnant un nom, le nom d'Allah tout seul. Comme de dire par exemple Allah, Allah, Allah, ou bien Hay, ça veut dire vivant, vivant, vivant. Ou bien, yani de dire le pronom seulement, comme on a dit, lui, lui, lui. Yani Allah mustahil. Ça fait, yani dans les choses qui suivent, on va continuer à mentionner des exemples comme ça. شيخ سهل الشعراني شيخه الخواص فقال هل لدى الذكر بقول ما هو هو وذا ذا وكا كا أو نحو ذلك من أسماء الإشارة؟ فأجاب نعم لنا الذكر بذلك بشرط الحضور خلافا للغزالي فيما عدا الذكر به فإنه قال إن ذا وكا يطلب التحديد أو يطلب التحديد وكان الحلاج يقول إنما منع من ذلك أو منع من ذلك من لا ذوق له من لا ذوق له في الطريق. فسيرا تقتدى الجواهر والدرر. Il dit que الشعراني a demandé à son chef الخواص et عليكم السلام ورحمة الله. Non, il n'y a pas de problème. Le cheikh Al-Khawas, en fait, en même temps, en plus, c'était un illettré, yani. Il le dit lui-même. Il dit, donc, à Shahrani que son cheikh, il a posé la question à son cheikh. Est-ce qu'on a le droit de se rappeler ou de faire le dhikr en disant hu, hu, ou bien za, za, ou bien ka, ka, comme des pronoms comme ça, des pronoms démonstratifs? Et il a répondu, oui, c'est permis de faire le dhikr en, avec, il dit, بذلك بشرط الحضور. C'est permis, mais à condition d'avoir une présence ou quelque chose comme ça. Contrairement au Al-Ghazali, excepté pour, il dit, mais autre que le dhikr par le pronom hu, parce que il dit que فَإِنَّهُ قَالْ si ذَاِكَ bon, il dit des choses ici, je ne comprends pas moi-même, mais on demande une limite quand on dit ذَاِكَ et Al-Hallaj disait que ceux qui ont interdit de faire le dhikr par ces pronoms-là, il n'a pas goûté encore à notre voyage. D'accord? Donc ça c'est dans les paroles de dans le livre de Al-Jawahir wa Turab, et le Cheikh Ahmed Lou il va expliquer les paroles après qui sont pas claires. Après il dit wa an al-Futi, le Futi il a dit fala haraj ala al-dhakir madama maslub al-ikhtiyar يستعمله كيف شاء على أنواع مختلفة كلها محدودة وصباحها مشكور وصاحبها مشكور عليها فلها كلها أسرار فربما يجري على لسانه الله الله الله أو هو هو هو أو لا لا لا لا لا, لا, لا أو أو أو أو ها ها ها ها ها أو ça c'est moi je suis allé dans son livre Ar-Rimah, ça c'est des exemples de dhikr. En fait qu'est-ce qu'il dit, il dit que il y a pas de problème pour la personne qui fait son dhikr. Quand il fait son dhikr, il perd la conscience, il arrive à un moment donné où il n'a plus de volonté. Et donc, il l'utilise comme il veut, toutes les sortes de dhikr qu'il peut vouloir, elles sont toutes limitées. Et la personne qui le fait, eh bien, il est récompensé de les faire. Et ce sont toutes des secrets, Et donc, peut-être même qu'il va, des choses qui vont sortir de sa langue comme les choses qu'on a mentionnées, Allah, Allah, ou des choses comme ça. Et il dit, وَلَا تَظُنُّ أَنَّ قَوْلَهُ مَا دَامَ مَسْلُوبُ الْإِخْتِيَارِ يَعْنِي أَنَّ مِثْلَ هَذِي الْأَلْفَاظِ تَرِدُ فَقَدْ عَلَى أَلْسِنَةٍ مَنْ فَقَدَ الْوَعِي مِنْهُمْ بَلْ نَجِدُ مِثْلَهَا مُقَرَّرًا فِي أَخَصِّ الْأَذْكَارِ الصُّوفِيَةِ التِّجَانِيَةِ الَّتِي لا تلقن إِلَّا لِلْخَوَاصِ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ فالذكر المعروف عندهم بياقوتة الحقائق في تعريف سيد الخلائق مثلا أوله الله الله الله وآخره الله الله لله لله لله آه آه آه آمين هو هو هو دونك le cheikh il dit, pensez pas que lorsqu'on lit qu'il est maslub al-ikhtiyar, c'est-à-dire qu'il a perdu sa volonté, que ça veut dire que c'est des paroles qu'il prononce parce que ou des paroles qui sortent de sa langue parce qu'il a perdu sa raison ou sa conscience. Non, il dit même que tu trouves que ça c'est forme de dhikr là sont mentionnés dans les dhikr des soufis de la tariqa tijaniya et que c'est des formes de dhikr qu'ils imposent à leurs fidèles qui sont parmi les plus avancés dans la tariqa et qui sont parmi les choisis dans la tariqa. Donc, dans leur livre, Yaqutat al-Haqa'iq, fi ta'rif bi Sayyid al-Khala'iq, ils ont un dhikr qui commence par Allah, Allah, Allah, comme on a dit, et qui se termine à la fin par Lillah, Lillah, Lillah, Amin, Hu, Hu, Hu, etc. Et ça c'est mentionné dans Ar-Rimah. Il dit, et parmi les choses étonnantes, vraiment étonnantes, il dit ومن العجب من العجيب حقا أنهم يقدمون هذه الأفكار المبتدعة التي شرعوها على الأفكار الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال المستشرق نيكلسون ولكن الصوفية اتخذوا رياضة تكرار اسم الله أو ترديد بعض العبارات الدينية مصحوبا بالتغنيم آلي وحشد تام لجميع القوى حول هذه الكلمة المفردة أو العبارة وهم يجعلون لهذه العبارة غير الموقوتة من الأهمية في وصلهم بالله وصلا غير منقطع ما لا يجعلون للصلوات الخمس يؤديها في أوقاتها المفروضة بقية المسلمين. Donc il dit que parmi les choses étonnantes, c'est qu'ils mettent ces adhkars-là au-dessus et par-devant les adhkars qui sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et il cite les paroles de l'orientaliste Nicholson au sujet de ça, et il dit que bon, ils ont choisi ces formes d'exercice spirituel-là de mentionner le nom d'Allah tout seul, et que ça c'est et d'autres expressions religieuses dans une façon spécifique, d'une façon avec une certaine disons harmonie, hein, quand ils le récitent, ils le font avec une sorte de un air comme une chanson ou une musique, et ils le font parfois même avec un instrument de musique parfois ou des choses comme ça. En tout cas, et donc ils mentionnent que ça fait partie de leur façon d'adorer Allah, et ça fait partie, il n'y a pas de doute, des bid'ah. Il dit yani anna dhikrahum afdalu min as-salati min ba'd al-wujuh, wal-qushayri yabdhul juhdan kabiran fi risalatihi lit-tarwij li hadha an-naw' min al-azkar. فيقول مثلا كان بين أصحابنا رجل يكثر أن يقول الله الله يكثر أن يقول الله الله فوقع يوما على رأسه جزع فانشج رأسه فسقط الدم فاكتتب على الأرض الله الله. Il dit que يعني ils ont mis ces prières là et ces formes de dhikr qu'ils font là, en réalité comme un cheikh, une fois j'écoutais un cheikh qui parlait de ça, et il dit ça en réalité, ça n'a rien à voir avec le dhikr, et ça ressemble bien plus à un jappement de chien qu'à une forme de dhikr. Et le cheikh il dit ici, là il dit, parmi le dhikr qu'ils font, il dit, ils ont essayé de montrer que c'est meilleur que la salat qu'on fait, de plusieurs points de vue, et même qu'il mentionne un soufi qui s'appelle Al-Qushayri, il dit qu'il a fait beaucoup d'efforts dans son livre, arrêter ça là pour montrer le bien de faire un dhikr comme ça. Et il a dit par exemple, parmi les gens qui sont avec nous dans la tariqa, il y avait un homme qui disait toujours Allah Allah, il répétait toujours Allah Allah, et un jour il s'est fait mal à la tête, sa tête a été comme fendue, et le sang est tombé, et quand le sang est tombé, ça a écrit le mot Allah Allah par terre. Donc c'est comme pour montrer que il faut, quand tu fais le dhikr soufi là, selon leur façon, ben ça y est, quand tu saignes ton sang, ben, ça écrit Allah tellement que c'est rentré dans le sang. Yani. En tout cas, c'est grave des exemples comme ça. Et ça peut vraiment influencer les gens qui connaissent pas l'islam, les gens illettrés ou analphabètes, ou des gens convertis, des gens qui connaissent rien de l'islam. Une personne va aller leur parler, une personne qui est soi-disant religieuse, là, qui est soufie, qui va leur parler, qui leur raconte des histoires comme ça, et ils ne connaissent pas l'islam, alors ils croient en ça, comment ça accepter ces affaires-là, Allah musta'an. Après il dit, وَبِدْعِيَةُ هَذَا النُّوْعَ مِنَ الْأَذْكَارِ أَمْرٌ وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَكْثَرْ بَيَانٍ بَلْ هُوَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ ضَلَالَاتٍ لَا يَعْلَمُ مَدَاهَا إِلَّا اللَّهِ حَتَّى قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاص والعارفين. Donc le cheikh il dit que en réalité on n'a même pas besoin de clarifier ça, tellement que c'est clair, tout le monde sait que ça c'est une bid'ah, pas besoin de mentionner plus que ça. Et il a mentionné la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'on a mentionné la dernière fois, donc on n'a pas besoin de la répéter encore une fois. Il dit juste que, yani, de mentionner ce nom-là tout seul, c'est quelque chose qui fait partie des bédards, puis yani, ça peut amener à d'autres égarements et d'autres choses encore plus dangereuses par la suite. Ensuite, il mentionne les choses qu'on a mentionnées la dernière fois au sujet de Ibn Arabi, quand il essaie de défendre cette chose-là. Puis là, après, il dit ensuite, « وَمِنَ الْمُؤْلِمْ حَقًّا أَنَّ الصُّوفِيَّ حتى المنتسبين منهم إلى الدعوة ما زالوا يبيحون لأنفسهم المشاركة في تعيين أعداد في تعيين الأعداد التي يلتزمها الذاكر في أورادهم فنجد أحدهم ينصح المريد بأن يشتغل بأوراد القوم وأن يكثر منها فيقول وليكن ذكره واستغفاره وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأذكار المطلقة 70,000 لكل نوع على حدة. Donc il dit ici, ça c'est dans Tarbiyatuna al-Ruhiyya, il dit que yani, les soufis ils ont toujours même insisté à déterminer certains nombres spécifiques que la personne qui fait le dhikr doit mentionner, comme on a donné des exemples tout à l'heure, et il donne un exemple qu'une personne ici qui fait son dhikr et l'istighfar et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tous ces adhkars, il doit les faire en fait environ 70 000 fois pour chaque sorte. Après il dit « فأنت ترى كيف صرح بأن أذكار مطلقة ثم بأنها أذكار مطلقة ثم تصدى لتقييده بسبعين ألف وهذا ما لا ينبغي قبوله إلا من الشارع الحكيم ومن الأحزاب المخترعة لغرض استبدالها بأوراد النبوية حزب يسمى السيفي يقول التجاني عنه الحرز اليماني وهو دعاء السيفي ومن فضله أن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة ومرتين بسنتين وهكذا ومن حمله معه كتب من الذاكرين كثيرا ولو لم يذكر سبحان الله. Ça c'est dans جواهر المعاني le livre de Ahmed Tijan, le fondateur de la tariqa tijaniya. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit parmi les choses qu'ils ont inventées, hein, ils ont remplacé les azkars du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un livre qu'ils appellent Al-Hizb Saifi. Ça c'est un de leurs livres de zikr. Et At-Tijani il dit à propos de ce livre-là, Al-Hirz al-Yamani, et il l'appelle le Ad-Dua Saifi. Il dit parmi ses bienfaits, c'est que celui qui le mentionne une fois, il a comme s'il a adoré pendant un an. Et s'il le mentionne deux fois, c'est comme s'il a adoré pendant deux ans, et ainsi de suite. Et celui qui le porte sur lui, hein, celui qui le porte sur lui, ça veut dire il n'a même pas à réciter, il fait juste le mettre sur lui. Alors on l'écrit parmi les gens qui font partie de Al-Dhakirin Allah Kathiran, ceux qui mentionnent beaucoup le nom d'Allah, même s'ils ne mentionnent pas le nom d'Allah. Donc ça veut dire quoi faire? Ben oui, il y en a un comme ça ici. Ça c'est des exemples de, soit un carré avec, à l'intérieur de ce carré il y a 9 carrés. Hein. Puis dans chaque carré il y a une lettre. Et puis ces lettres-là, supposez que ça a la valeur de quelque chose dans le Coran ou quelque chose comme ça. Et ah oui, il y en a d'autres. Regarde, je vais te montrer une autre lettre, tu vas voir que ça là. Tu vois celui-là? Ça c'est même pas de l'arabe, ça, c'est des signes. C'est comme des petits dessins là. Et ça c'est de la magie. Ça c'est de la magie, carrément de la magie. Même il dit ici le poids mystique de ces 7 lettres, il parle de 7 lettres. Fa, Jim, Shin, Fa, Fa, Kha, Zay. Et il dit que c'est 2990. Et celui des 7 noms qu'il a manqué, en tout cas il a mentionné quelque chose comme ça. Après il dit le tableau ci-dessous est celui du dimanche. Il est considéré comme universel. Et il dit par la suite qu'est-ce qu'il peut faire. Il dit il peut être utilisé pour tous les jours de la semaine. Sa propriété qualitative et thérapeutique, protectrice et bienfaisante ne laisse aucun doute. Utile contre les sortilèges, c'est une arme puissante contre les sorciers, les mauvais éléments, les djinns, les fléaux, les malices. Il suffit de le porter sur soi ou de se baigner avec, selon les règles de l'art, pour bénéficier de ses vertus. Il faut de plus amples informations pour plus précises pour cerner les vertus multiples de ce carré mystique. Yani, c'est comme s'il croit que tu mets ça sur toi, puis ça y est. Ah ouais. Ça, c'est des affaires de magie, ça. Et ça, le pire, c'est que c'est même pas des lettres. Tu peux même pas savoir qu'est-ce que ça signifie. Et donc, ça, il y a des significations là-dedans, il n'y a pas de doute que ça rentre dans le kufr et le shirk, subhanallah. Et il mentionne des noms, des fois même c'est des noms de djinn. En tout cas, a'oudhu billah. Donc, c'est juste pour vous dire que ça, c'est des exemples de choses là, comme qu'on trouve chez les soufis. Et après, il dit ensuite, ويقول أيضا عن هذا الحزب وعن صلاة الفاتح التي تأتي بعد مخاطبا أتباعه في رسالة له إلى أهل فاس وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد الذي هو لازم الطريقة الحزب السيفي صلاة الفاتح لما أغلق فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد. Il dit que, il dit après d'avoir mentionné le Hizb al-Hizb al-Sayfi, il dit que également tu dois faire Salat al-Fatih. Et ça c'est un dua qu'ils font, hein, et il a envoyé une lettre aux gens de Fas, à ses fidèles à la ville de Fas au Maroc, où il est enterré en passant, et où les gens vont souvent visiter sa tombe là-bas. Il dit que la première, parmi les choses que vous devez garder comme wird, comme zikr que vous faites, il y a le wird. Il dit que vous devez faire le hizb al-sayfi et salat al-fatih lima ughliq. Il dit parce que ces deux-là, ça, si vous les faites ces deux-là, eh bien vous n'avez plus besoin de faire aucun autre zikr. D'accord? Et c'est quoi Salat al-Fatih? C'est un dua que ce gars-là, Ahmed Tidjan, a amené. Il dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, al-Khatim lima sabaq, al-Nasir al-Haq bil-Haq, al-Hadi ila siratika al-Mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi. ومقداره العظيم. يسأل الله مانسيني يسأل الله ici là. الله مانسيني ici au tout début je pense. الخاتم لما سبق. Il l'a mentionné ici même avec sa signification, ce dhikr là. Non mais parce que c'est le dhikr par excellence des tijan. Ils disent, ô Dieu, daigne répandre ton salut sur notre prophète. Ça, c'est dans le livre des soufis, là, de Tijani, Dimension de l'Islam, par Amadou Tal. Il dit à la page 20, à la page 20, traduction de ce doigt qu'ils font, là. Il dit, ô Dieu, daigne répandre ton salut sur ton prophète, hein, sur notre Seigneur, notre guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ouvert ce qui était fermé, étant pleinement et entièrement le codex de l'apparaître des êtres sans exception hors du monde du non manifeste. Écoute, il rajoute des affaires, ok, il rajoute des explications de lui-même, mais si tu lis juste qu'est-ce qui est écrit, ça dit qui a ouvert ce qui était fermé, ok, qui a parachevé ce qui a précédé, qui est le secoureur véridique par la vérité, et qui guide, et qui est le guide parfait sur la voie de la rectitude. Et il est vérité. Donc, et daigne bénir salutairement ainsi que le bénir salutairement ainsi que sa famille, suivant la valeur et l'ultime estimation de sa grâce. Oui, c'est des tijan. Oui, c'est des tijani. Donc, ça c'est la traduction, mais j'ai pas lu tout ce qu'il a traduit, parce qu'en réalité, il n'a pas seulement traduit, il a rajouté des choses de son propre explication, yani, dans la lecture, parce qu'il dit ici, par exemple, qui est le guide parfait sur la voie de la rectitude, il dit, et après il continue, il dit, il est en vérité la lumière directrice qui propulse théophaniquement les croyants des ténèbres vers la lumière de la connaissance vraie, qui préfigure les données véridiques de la salvation absolue, essence de la miséricorde divine dont il est sublime typification. Le prophète est le luminaire des existants et le luminaire des sublimes des mondes, de par qui fécondé perdurablement les lumières et les secrets du trône, sous lequel coulent les fleuves paradisiaques du Kawthar nirvanique et du Salsabil épiphanique. Naam. Eh naam, expression bizarre soufie. Les soufis, ils veulent toujours parler d'une façon pour que les gens ne soient pas capables de comprendre ce que les gens disent. Et Allah nous dit. Donc, il dit, Qultu wa fi riwaya, donc, Qultu alladhi alayhi ulama al-umma, anna al-kaba'ir la tughfaru illa bit-tawbah. Amma al-salihat allati thabata shar'an annaha tukaffir al-dhunub faqad خصت بالصغائر. تو العلماء ils ont expliqué que les grands péchés qu'on fait ne peuvent pas être pardonnés excepté par la repentance, hein, tandis que les actions qu'on fait, les bonnes œuvres qu'on fait, eh ben ces bonnes œuvres là elles effacent uniquement les petits péchés que les gens font, pas les grands péchés. Comme il mentionne des exemples, des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man tawadda'a nahu wudu'i, hada thumma salla rak'atain, la yahdith fihima nafsuhu, ou la yuhadith fihima nafsuhu, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, qala ibn Hajar, zahiruhu ya'ammul kabair wa sara'ir, walakin al-ulama khassuhu bis sara'ir li wurudihi muqayyadan باستثناء الكبائر في غيره في غير هذه الرواية. Donc le cheikh il dit que ce hadith là il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est selon Othman ibn Affan qui dit, celui qui a fait son wudu, hein, comme moi je fais mon wudu, et qui a fait deux rak'ah, wa alaykoum salam, et qui a fait deux rak'ah et qui n'a pas parlé à lui-même, c'est-à-dire il n'a pas laisser ses pensées dans le distraire de sa prière, eh bien il sera pardonné tout ce qu'il a fait de péché auparavant. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a répété, il a dit après avoir dit ça, il a dit que ça, c'est en apparence, on dirait que c'est pour les grands péchés et les petits péchés. Toutefois, les ulama ont spécifié que ça c'est uniquement pour les petits péchés à cause de d'autres hadiths, d'autres narrations qui mentionnent que les grands péchés sont exclus de ça. Et il mentionne comme exemple, قُلْتُ وَيَقْصُدُ بِالْرِوَايَةِ الْأُخْرَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرُ. Rawah Muslim. Donc, l'imam Muslim a rapporté une autre version du hadith qui dit les cinq prières, et d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre, ce sont des expiations pour les péchés qu'on fait entre ces choses-là, excepté les grands péchés. Hein, et tant qu'on s'écarte des kaba'ir ou des grands péchés. Et tandis que eux, ils ont établi des récompenses pour les azkar qu'ils font, et ils disent que ça pardonne tous les péchés, même les grands et les petits, tous les péchés au complet. Hein, il dit par exemple, salatun ukhra shara'aha as-sufiyya wa faddaluha ala jami' as-salawat wa rattabu 'alayha min as-sawab ma lam yurattab 'ala ghayriha min as-salawat an-nabawiyya التي حفظها الحفاظ الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الفاتح نصها. Là il mentionne, il dit que les soufis ils ont également amené une salat, par exemple la salat al-fatih, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et ils disent qu'ils l'ont préféré à toutes les autres prières, et ils ont établi pour cette prière-là une récompense qui n'a jamais été rapportée pour aucune des prières faites par le prophète صلى الله عليه وسلم. ni rapporté par aucun parmi les narrateurs de hadith fiables. Et donc il mentionne la prière Salatul Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih, lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasir al-haq bil-haq, al-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haq qadrihi, wa miqdaruhu al-azim. Il dit, amma min aina ja'at Salatul Fatih, يقول صاحب الجواهر صلاة الفاتح لما أغلق لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات والسر جميع الصلوات فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من نور. Il dit que d'où est-ce qu'elle vient cette prière-là? Il dit que Salat al-Fatih lima ughliq, c'est pas al-Bakri, un soufi qui s'appelle al-Bakri, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant longtemps et il lui a demandé de lui donner une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contiendrait toutes les récompenses de toutes les prières et le secret de toutes les prières. Alors un ange lui est venu avec une feuille yani, sur laquelle était écrit cette prière-là, en lumière, une feuille de lumière. Et il dit « Wa ma'na hadha anna salat min kalam Allah awhaha ila al-bakri bi wasitat al-malak aw katabaha bi talab al-qudra ». Donc ils disent que yani, cette prière-là est venue comme une révélation yani, à al-bakri par l'intermédiaire de يعني طال انتميديا دو لارج. إذ ومن المعلوم ضرورة أن الوحي لا ينزل على بعد خاتم النبيين، والصلاة نفسها ترد على من يقول إنها من كلام الله، يقول محمد تقي الدين الهلالي، وكيف يقول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، لأن الله هو السيد ومحمد عبده. Comment, il dit comment cette prière-là pourrait venir, il dit que c'est clair qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation, hein. Donc, comment elle pourrait venir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment elle pourrait faire partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, le Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, il a dit, comment Allah pourrait-il dire lui-même, oh Allah, envoie ton salut sur notre maître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne pourrait pas dire ça, puisque c'est lui le maître et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. Donc c'est clair que ça ne peut pas être Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça lui-même. Ensuite, il dit que Mohammed al-Tijani, il a dit, ok, ouais, il dit, « تحدث التجاني أيضا عن فضل هذه الصلاة. فقال كنت مشتغلا بذكر الصلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة منها بستمائة ألف صلاة إلى أن رحلت إلى تلمسان إلى أبي سمعون فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات وتركت صلاة الفاتح لما أغلق واشتغلت بها ثم أمرني صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق فأخبرني أولا بأن المرة منها تعدل من القرآن ست مرات ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل كل تسبيح وقع في الكون من كل ذكر من كل دعاء كبير أو صغير من القرآن ستة آلاف مرة. Donc ça c'est mentionné dans Jawahir al-Ma'ani, le livre d'Ahmed Tijani. Il dit que Ahmed Tijani a parlé lui-même du mérite de cette prière-là, de Al-Fatih lima ughliq. Il dit que moi je faisais cette prière-là toujours, Salat al-Fatih, lorsque j'étais revenu du Hajj et que je me dirigeais vers la ville de Tilmisan, et je voyais que c'était parmi les choses qui étaient bonnes de faire ce zikr-là, les bienfaits de ce zikr, les mérites de ce zikr, c'est que si tu le lisais une seule fois, et ben ça équivalait à 600 000 prières. Et quand je suis arrivé à Tilmisan, j'ai vu Abi Sam'oun, et lorsque j'ai vu que dedans il y avait une prière qui disait que de faire une fois la prière, ça équivalait à 70 000 fois d'avoir récité le livre d'Allah et le Khairat, c'est un livre de dua soufi. Alors il dit, j'ai laissé tomber Al-Fatih Al-Ma'aqlaq et j'ai récité cette prière-là qu'il m'a dit Yanni. Donc, après, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de revenir à Salat al-Fatih. Le prophète lui-même, il m'a dit, retourne puis fais maintenant Salat al-Fatih. Alors, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, parce que lui, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apparaissait en plein jour puis lui disait des choses. Donc, il a dit, il est venu puis il m'a dit que si je récite une fois Salat al-Fatih, c'est mieux que 6 fois le Coran au complet. Et après, il m'a dit une deuxième fois que si je le dis une seule fois, c'est comme si j'ai fait tous les tasbih qui sont arrivés dans l'univers, et tous les zikr et tous les du'as, qu'ils soient petits ou grands, hein, et que c'est mieux que 6000 fois le Coran. De réciter 6000 fois le Coran. Donc ça c'est des exemples de paroles yani graves en fait, hein, de dire que si tu lis un doigt comme ça, c'est équivalent à 6000 fois la lecture du Coran. Et donc tout ça c'est des choses qu'ils récitent, qu'ils disent aux gens qui ne connaissent pas yani pour les inciter à faire ça et en même temps les pousser à délaisser le Coran, hein, et à préférer leur adhkar à eux. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui puis on continuera. لا سمح الله إن شاء الله سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب